Russie, la gadamier. Pratique superstitieuse à laquelle se livrent les jeunes filles à Noël, au premier de l'an et à l'épiphanie pour connaître leur fiancé. Tantôt deux miroirs sont placés en face l'un de l'autre et se reflètent mutuellement, figurant un long corridor au fond duquel on distingue le petit carré du cadre. C'est là qu'à la jeune fille attentive doit se montrer l'image du fiancé futur. Des nuages passent devant ses yeux, fatigués par la fixité de son regard et un peu troublés par le sommeil. Et bientôt, elle croit voir une image sans forme à laquelle son imagination prête les traits de celui qui, avant la fin de l'année, viendra l'épouser. Tantôt, on place sur une table une cuvette pleine d'eau. On y laisse tomber une cuillerée de plomb en fusion. Les jeunes filles retirent le plomb refroidi et le tiennent entre le mur et la lumière, interrogeant l'ombre portée avec anxiété et cherchant à lire l'avenir dans la silhouette informe du métal. Par Albert Tastevin. Chaque fois que revient Noël, je me rappelle une histoire que me racontait ma mère quand j'étais tout petit et que j'avais bien su mes leçons. Il y a 20 ans que cette histoire m'a été dite. Depuis ce temps-là, j'ai vu bien des choses, traversé bien des aventures, mes années de gymnase, d'école militaire, mes débuts dans l'armée se sont peu à peu effacés de ma mémoire. Mais ce conte que j'ai entendu alors que j'avais 8 ans, je ne l'ai jamais oublié. Je la vois encore, la chère femme, avec son costume du temps de Nicolas Ier, sa robe longue et ses cheveux en tire-bouchon couvrant les tempes. Lorsqu'elle s'installait dans son grand fauteuil, me faisait asseoir devant elle et commençait son récit. Il y avait une fois, à la Pavarskaya, rue de Moscou, un général qui, après la mort de sa femme, vivait seul avec sa fille Hélène et la vieille nourrice Daria. Le général aimait beaucoup sa fille, mais ses occupations lui laissant peu de loisirs, il avait été obligé de confier son éducation à des gouvernantes, car il n'eût pas voulu se séparer d'elle en l'envoyant en pension. Hélène apprenait bien, jouait passablement du piano et parlait plusieurs langues. C'était en outre une très belle personne. Mais elle avait un grand défaut, elle était superstitieuse. Cela lui venait sans doute de sa nourrice, la vieille Daria, la plus crédule des paysannes. Pour rien au monde, elle n'eût entrepris quelque chose un lundi. Elle ne pouvait supporter les compliments, et si quelqu'un lui en faisait, elle avait bien soin de cracher 3 fois par terre pour éviter les mauvais sorts. Elle croyait au mauvais œil, que l'on combat en remplissant un verre d'eau où l'on fait tremper 3 charbons. Au Damovoï, qui trouble le calme des maisons. Farfadet, qui se tient habituellement dans les maisons, c'est lui que l'on accuse de tous les méfaits dont la cause est restée inconnue. Au Liéchi, sorte de loup-garou de génie de la forêt, toujours prêt à jouer de mauvais tours à ceux qui se promènent le soir dans la forêt. Elle regardait comme une aventure funeste la rencontre d'une vieille femme ou d'un prêtre en sortant de la maison. Souvent, elle avait fait la gadanier au moyen de 2 miroirs. Souvent, elle avait interrogé l'ombre d'un morceau de papier à moitié brûlé ou celle du plomb fondu. Et bien qu'elle n'eût jamais pu voir paraître l'image de son fiancé, elle croyait pourtant à la vertu de ses sortilèges comme un article de foi. Or, une année, aux approches du jour de l'an, un soir qu'elle était restée seule à la maison en compagnie de sa nourrice, Hélène s'ennuya. Pour passer le temps, la vieille Daria lui tira les cartes, mais le jeu ne réussissait pas. Le roi de cœur venait toujours se placer entre 2 cartes de pique, signe néfaste, comme chacun sait. Enfin, ne sachant qu'inventer pour la distraire, la vieille Daria eut l'idée de faire la gadanier. À force de chercher dans les armoires, elle finit par trouver la robe, le voile et les fleurs qu'avait portées à sa noce la mère d'Hélène. Pendant que la jeune fille revêtait ses défroques démodées, la nourrice préparait la table. Sur la nappe blanche, elle mit deux couverts en face l'un de l'autre, puis elle apporta du vin, des petits pâtés, un reste de jambon, tout ce qu'il faut pour souper, et elle s'éloigna, laissant la jeune fille seule. À minuit, Hélène s'assit devant son couvert, tout émue à l'idée de ce qui allait se passer. Peut-être viendrait-il son fiancé s'asseoir en face d'elle. En ce moment, le lieutenant Nikolaev passait devant la maison. C'était un jeune officier, assez beau garçon, aimant à s'amuser, et cité comme un des plus gais compagnons de la garnison. Par la fenêtre, il aperçut le couvert mis et cette fiancée en voile blanc qui semblait attendre. Le repas lui parut tentant et la jeune fille très agréable. Il remonta le collet de sa capote pour cacher son visage et alla sonner à la porte d'entrée. Le Suisse, tout endormi, vint lui ouvrir et, le prenant pour le général, s'écarta en lui faisant un grand salut. Nikolaev se débarrassa de sa capote et se dirigea sur la pointe des pieds vers une chambre éclairée qu'il présuma être celle de la jeune fille. Il entra. À sa vue, Hélène eut un mouvement de terreur. Mais lui, sans se déconcerter, en nombre bien élevé, fit un salut aussi gracieux que possible et s'assit sans mot dire à la place restée vide. Devant la jeune fille, tout émue de cette singulière aventure, il ne se trouva nullement gêné. Il soupa avec beaucoup d'appétit, vida la bouteille de vin et, quand il eut fini, sans prononcer une parole, il se leva, fit une profonde révérence et sortit comme il était venu. Depuis ce jour-là, Hélène attend son fiancé. Mais Nikolaev n'est jamais revenu. Il fut tué quelques mois plus tard dans les Balkans en guerroyant contre les Turcs.